Par ailleurs, alors qu'une nouvelle perspective d'évasion apparaissait à hauteur de New York, une violente tempête, effet du Gulf Stream, éloigne le Nautilus de la côte américaine. Après conseil constaté au large de Terre-Neuve que les morues étaient loin d'être plates, comme on les voit chez l'épicier, les passagers du Nautilus ont tout le temps de voir le cap transatlantique gisant sur le sol sous-marin. Le 28 mai, le Nautilus n'était plus qu'à 150 km de l'Irlande. Le capitaine Nemo allait-il remonter pour atterrir sur les îles britanniques? Non, le Nautilus s'abaissait toujours vers le sud. Pendant toute la journée du 31 mai, le Nautilus décrivit sur la mer une série de cercles qui m'intriguèrent vivement. Il semblait chercher un endroit qu'il avait quelque peine à trouver. Le lendemain, 1er juin, le Nautilus conserva les mêmes allures. Il était évident qu'il cherchait à reconnaître un point précis de l'océan. J'étais en ce moment sur la plateforme, lorsque le capitaine prononça ces seuls mots. « C'est ici !» Le Nautilus commença à s'enfoncer suivant une ligne verticale. Quelques minutes plus tard, il s'arrêtait à une profondeur de 833 mètres et reposait sur le sol. Par tribord, sur le fond, je crus reconnaître les formes épaisses d'un navire, rasé de ses mâts, qui devait avoir coulé par l'avant. Ce sinistre datait certainement d'une époque reculée. Je ne savais que penser quand, près de moi, j'entendis le capitaine Nemo dire d'une voix lente. Autrefois, ce navire se nommait la Marseillaise. Il portait 74 canons et fut lancé en 1762. En 1794, la République française lui changeait son nom. Le 16 avril, il rejoignit à Brest l'escadre, chargé d'escorter un convoi de blé qui venait d'Amérique. Le 11 et le 12 Prairial, en deux, cette escadre se rencontrait avec les vaisseaux anglais. Monsieur, c'est aujourd'hui le 13 Prairial, le 1er juin 1868. Il y a 74 ans, jour pour jour, à cette place même, ce navire, après un combat héroïque, dématé de ses trois mâts, l'eau dans ses soutes, le tien de son équipage hors de combat, et m'a mieux s'engloutir, avec ses 356 marins, que de se rendre. Et, clouant son pavillon à sa poupe, il disparut, sous les flots, au cri de « Vive la République !»« Le Vengeur !» m'écriai-je. « Oui, monsieur, le Vengeur, un beau nom !» murmura le capitaine Nemo, en se croisant les bras.